Les dépravés, chapitre 14, page 199. Le lendemain, vers les 3 heures de l'après-midi, Max, qui avait couché rue Louis-le-Grand, se coiffait en sifflotant pour se rendre chez Geneviève, lorsqu'il entendit à la porte de la première des deux chambres qui composaient son logement le bruit d'une discussion où se mêlaient les éclats de deux voix, celle de Félix, le valet de chambre de son père, et celle d'une femme qui paraissait vouloir forcer une consigne. « Mais mademoiselle, disait Félix, monsieur Ouzelot donne une consultation, attendez votre tour. Monsieur Ouzelot fils, monsieur Ouzelot fils n'est pas docteur. Docteur ou non, c'est à monsieur Ouzelot fils que j'ai affaire. Alors vous vous trompiez, c'est par ici. » Max entendit deux petits coups secs frapper à la porte qui s'ouvrit presque aussitôt. Une jeune fille de 20 à 22 ans, vêtue comme une femme de chambre, marcha droit à lui et s'arrêta tout à coup, de l'un air mystérieux et confidentiel, en lui montrant un objet de dimension minime qu'elle tenait à la main, enveloppé dans du papier. « Je viens de la rue Saint-Martin, » dit-elle à Max, en lui lançant un regard de connivence. « Est-ce que Geneviève irait plus mal ? » demanda-t-il d'un air inquiet. « Plus mal !» fit la domestique avec un sourire. Puis, s'apercevant que Félix était toujours là, elle ajouta en clignant de l'œil. « Ah oui !» Mais dès qu'elle se vit seule avec le jeune homme, elle lui mit dans la main l'objet tout enveloppé, avec ces mots prononcés rapidement et tout bas. « C'est une boucle d'oreille qui appartient à votre dame et qu'elle a laissé tomber le soir de l'événement. » Max, croyant quelque erreur, développa le papier et vit une boucle d'oreille en corail rose dont il avait donné la paire à Geneviève quelques jours après leur liaison. « En effet, dit-il, cette boucle d'oreille appartient. Qui donc vous a prié de me la remettre ?»« Personne, je l'ai trouvée dans le salon de Madame Alibert, la parfumeuse du 73. »« Comment ? Dans le salon de Madame Alibert ? Mais Madame Alibert loge au premier. »« Oui, au premier, c'est-à-dire à l'entresol. » Au-dessus de la boutique. C'est en traversant l'appartement qu'elle aura perdu sa boucle d'oreille. En traversant l'appartement ? Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Eh bien, pour se jeter, donc. Pour se jeter ? D'où cela ? Mais des chemins d'Ama Libère. Voyons, monsieur Ouzelot, vous faites l'ignorant avec moi ? À quoi ça vous sert-il ? Pourquoi voulez-vous que je fasse ignorant ? Je ne comprends pas un mot à ce que vous m'en racontez. « Ah, mon Dieu !» s'écria la femme de chambre. « Est-ce que par hasard, vous ne seriez pas dans le secret ? Si cela est, je m'en vais. Je vous demande pardon. Je croyais... Il n'y a pas de ma faute. Madame Geneviève ne m'a pas averti. » Et la jeune domestique gagna la porte comme si elle venait de commettre une imprudence dont elle ne pouvait se tirer que par la fuite. Mais Max la retint brusquement par le bras. « De quel secret voulez-vous parler ? » s'écria-t-il, avec une violence inquiète. « Geneviève n'a pas de secret, entendez-vous ? Ni pour moi, ni pour personne. »« Mais je ne dis pas qu'elle a des secrets pour vous, puisqu'au contraire, je vous rapportais sa boucle d'oreille plutôt que de monter et la lui remettre à elle-même, parce que j'avais peur qu'on ne m'aperçût et que quelqu'un a raconté à votre père que nous avions comploté ensemble pour le forcer à consentir à votre mariage. » « Nous avons comploté ensemble ? À propos de quoi ? Quand cela ? Je vous ai jamais vu, » dit Max. « Excusez-moi, monsieur, je m'aperçois que je suis une sotte, » répliqua la femme de chambre, toute confuse. « J'avais la conviction que vous étiez de connivence avec Madame Geneviève. Je n'y voyais aucun mal. On peut bien tromper son père quand c'est pour le bon motif. Du moment où elle ne vous a rien dit, c'est qu'elle avait ses raisons. Et je n'irai certainement pas la trahir. » Elle est bien trop charmante, la pauvre enfant. Elle fit de nouveau quelques pas pour sortir. Mais Max, l'œil sec, le cœur serré, se porta devant elle, donna deux tours de clé à la serrure et fit reculer, par son attitude menaçante, la domestique au fond de la chambre jusqu'à un fauteuil sur lequel elle tomba, sans qu'il fût bien sûr que Max n'y lui eût pas poussé. « Je vous donne ma parole d'honneur, cria-t-il, que vous ne sortirez pas d'ici avant de m'avoir expliqué ce que vous veniez y faire et comment une des boucles d'oreilles de Geneviève se trouve en votre possession. Mais taisez-vous donc, monsieur, votre père peut vous entendre. Précisément. Je serais enchanté qu'il m'entendît. Oui, mais si c'est que je suis pour quelque chose dans tous ces mensonges, et il ira se plaindre à Madame Alibert, qui me renverra sous prétexte que j'ai centré quelqu'un, et cela sans sa permission. Et que deviendrai-je si je perds ma place? Comment ferai-je pour payer la pension de ma petite sœur, sans compter que Madame Geneviève m'avait promis 20 francs si je voulais lui tenir la main pendant qu'elle enjambait le balcon pour s'asseoir sur la marquise, et que je ne les ai pas encore touchés. Ce spectre de la misère qui s'est dressé devant elle jeta dans l'âme de la jeune domestique une telle épouvante qu'elle éclata en sanglots entrecoupés par les cris 20 fois répétés de « Maman, maman !»« Du calme, mademoiselle, du calme !» répétait Max, presque affolé par ces mots. Elle m'a promis 20 francs, qui semblait indiquer quelque chose d'énorme auquel il ne voulait pas s'arrêter. Il avait cependant besoin d'une explication dénuée de tout embâge, et il voyait au trouble de son cerveau que s'il n'arrêtait pas sur le champ les larmes diluviennes de la femme de chambre, il serait devenu tout à fait insensé avant qu'elle eût fini de pleurer. Je n'ai jamais eu l'intention de vous porter le moindre préjudice. Mais vous êtes allé trop loin pour ne pas achever vos confidences. Je connais en effet la plus grande partie des incidents dont veniez me parler, ajouta-t-il, croyant cette fin de premier ordre. Mais supposez que je les ignore, et exposez-les-moi dans toute franchise. En ce cas, puisque vous savez tout, pourquoi faites-vous semblant de vouloir me dévorer lorsque je vous rapporte la boucle d'oreille que votre femme, on peut bien l'appeler votre femme, a laissée tomber dans le salon de ma maîtresse? Vous voulez dire de Madame Alibert? Bien entendu, de ma maîtresse, Madame Alibert, chez qui je suis en service depuis 3 ans. Et qui tient la boutique de parfumerie rue Saint-Martin en 73. Quelle question! Vous pouvez la voir tous les jours à son comptoir en vous rendant chez votre femme. Et pourquoi est-ce dans le salon de Madame Alibert et non ailleurs que Geneviève a perdu sa boucle d'oreille? Et pourquoi? Eh bien, parce qu'elle y est entrée comme une folle, renversant toutes les chaises sur son passage, afin d'arriver plus vite à la fenêtre. Elle l'a ouverte si précipitamment qu'il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un de ses boutons de corail se soit détaché. Et dans quel but ouvrait-elle la fenêtre du salon de Madame Alibert et l'ouvrait-elle avec cette vivacité? Dans quel but? Dans le but que vous savez, parbleu. Dites toujours lequel, pour voir si c'est bien celui-là. Dans le but de se laisser glisser sur l'auvent de la marquise qui descend en pente jusqu'à 2 mètres du pavé, tout au plus. C'est là qu'elle m'a fait cette promesse. Il y a 20 francs pour vous. Vite, aidez-moi à enjamber. À enjamber quoi? Demanda Max, à qui l'anxiété donnait des bourdonnements dans les oreilles. À enjamber l'appui de la fenêtre, répondit la domestique, afin de tomber, comme qui dirait, de sa hauteur, sur le trottoir. Tandis qu'on persuaderait à votre bonhomme de père qu'elle s'était jetée de son 5e avec l'intention de se périr, mais que la marquise s'était trouvée là par enchantement, et « Vous mentez, scélérate, fille dégoûtante, vous mentez !» s'écria Max, se soulevant de terre dans un état de démence furieuse pour se précipiter sur la domestique. Celle-ci tomba de son fauteuil à 2 genoux sur le parquet en hurlant de nouveau avec une énergie sans limite. « Maman, maman, ne me tuez pas, je n'ai que 20 ans, je suis le soutien de ma petite sœur, je croyais que vous aviez comploté ensemble. » Ah, si j'avais su! Max, mon enfant, que se passe-t-il? Est-ce qu'on t'assassine chez toi? Fit tout à coup à travers la porte la voix du docteur. Et tu es enfermé! Ouvre-moi donc! Ouvre-moi donc! Non, ouvre-moi! Mais ouvre-moi donc! Le jeune homme laissa sa victime, toute pantelante, pour aller ouvrir à son père, qui parut effaré sur le seuil de la chambre. Entre, papa, entre, je te prie, dit Max, qui, de rouge comme un congestionné, était devenu pâle comme mort. Tu as vu Geneviève, tu lui as parlé, elle t'a parlé. Eh bien, voici une misérable qui vient prétendre. Non, tu ne devineras jamais ce qu'elle ose m'affirmer. Que Geneviève, ma Geneviève, mon Oudja, est une coquine, une créature ignoble, la dernière des dernières. la dernière des intrigantes. En un mot, qu'elle ne s'est pas plus jetée par la fenêtre que toi et moi. Que son amour est une farce et son suicide une plaisanterie funambulesque. Je t'en fais juge. Est-ce assez horrible ? Mademoiselle, dit le docteur Rousselot, d'un ton sévère et surtout chagrin, si votre démarche n'est pas absolument coupable, elle est au moins forte à considérer. Ou mon fils avait participé au complot organisé contre ma faiblesse paternelle, et ce n'était pas à vous, simple servante, de venir le lui reprocher. Ou mon fils était dupe, et puisque je n'avais pas jugé à propos de le désillusionner, vous n'aviez à aucun titre le droit de prendre une responsabilité aussi lourde. Ah ça, tu perds la tête, toi aussi, fit Max atterré. Tu peux supposer un instant que Geneviève, cette créature innocente, je n'ai rien à supposer. Les faits sont là et ne font plus mystère pour personne dans la maison qu'habite ta femme. J'ai d'abord eu l'idée que cette parodie avait été organisée entre vous deux par une passion aux abois qui cherchait tous les moyens de me forcer la main. Mais j'ai réfléchi bientôt que ta loyauté était incompatible avec de telles sournoiseries. Et en t'interrogeant sans préméditation apparente, j'ai acquis la certitude que ta bonne foi était entière. Je, papa, interrompit Max. Il m'est impossible de te laisser marcher plus longtemps dans cette voie. Je n'ai pas à rechercher quelles calomnies odieuses ont été répandues sur Geneviève. Je l'ai toujours aimée. Aujourd'hui, je l'adore. Je suis sûr d'elle. Sûr, entendez-vous bien, et ce n'est pas sur un compte ordurier, imaginé par une domestique, que je modifierai mes idées. Quel compte ai-je imaginé ? Demanda la femme de chambre. Et quel mal ai-je fait ? Je ne réclame rien. Pas même les 20 francs que votre femme m'avait promis si je gardais son secret. Je trouve un bijou qui lui appartient, je le rapporte, et voilà comment on me traite. En effet, reprit Zelot, cette jeune fille ne peut être punie pour un acte de probité. Elle croyait, comme je l'ai cru moi-même à l'instant, que ta femme t'avait mis dans la confidence de son petit plan. Elle l'avait conçu elle toute seule. C'est à l'éloge de son intelligence. Ces accusations sont infâmes et ineptes. Mais toi, mon père, puisque tu les acceptais comme vraies, puisque tu avais la conviction que ta future bru était assez éhontée pour jouer cette parodie de suicide, répondit Max en rugissant, à quoi pensais-tu donc de me laisser épouser une femme de cette espèce? T'avais supplié d'en épouser une autre, répliqua Rousselot. Pour rien au monde, je n'aurais voulu que tu puisses me supposer capable de peser sur ta décision. Dans la position où nous étions l'un vis-à-vis de l'autre, je devais me taire. D'ailleurs, tu me parais qualifier bien sévèrement le mensonge de ta Geneviève. Il est possible, après tout, qu'elle ne soit pas l'intrigante qu'il y aurait lieu de soupçonner, et que la peur de te perdre momentanément oblitérer le sens moral. Tu l'aimes, fais-en ta femme, et il ne faut jamais bouder contre son cœur. Cette façon bienveillante mais perfide de descendre Geneviève de son piédestal troubla Max au point de lui enlever tout désir de réplique. Il était exaspéré contre tout le monde, contre son père, contre la domestique du parfumeur, contre ce bouton de corail qui constituait incontestablement une pièce à conviction des plus fâcheuses, mais il se serait considéré comme un drôle s'il eût admis un instant autre chose que la parfaite sincérité de celle qu'il vénérait comme une madone. « On ne discute pas l'absurde, dit-il. Si Geneviève s'était moquée de nous à ce point, je ne la reverrai de ma vie. Mais dans 20 minutes, je serai chez elle, et les propos qu'on vient de te dire ici, sur son compte, n'auront même pas l'honneur de lui être répétés. Bonsoir, papa. » Et Max sortit à l'aventure, en laissant derrière lui toutes les portes ouvertes. Il monta la rue Louis-le-Grand jusqu'au boulevard, où il se trouva arrêté par le passage d'un régiment. C'est alors que, du milieu des groupes qui bordaient le trottoir opposé, il vit sortir une main qui lui faisait signe. Il profita d'une halte pour traverser le boulevard et reconnut Paul de Bric. La marche et le soleil avaient empourpré le visage du vieux capitaine, dont les taches de rousseur avaient pris l'aspect foncé d'un semis de graines de lin sur une plaie vive. « J'allais chez vous, dit-il à Max. Je vais vous porter un plan de l'Afrique française qui vous sera précieux. À propos, Blavant est mort. »« Qui ça, Blavant ?»« Mon soldat, celui qui a embarqué la petite Arbicode avec lui. J'ai trouvé son nom. Il s'appelait Blavant. À son arrivée à Paris, sa blessure s'est rouverte et du jour au lendemain, elle a été nettoyée. À ce moment, Max fourrant machinalement la main dans sa poche, il rencontra le bouton d'oreille que lui avait rapporté la femme de chambre et qu'il y avait serré non moins machinalement. L'opinion exprimée par Poil de Brique sur la race arabe, les pieds dans le feu, la tête dans le silo, il mentirait, lui revint en mémoire. Une inquiétude pousse d'ordinaire à l'indiscrétion. Max sentit, à l'égard de Poil de Brique, un véritable besoin d'épanchement. « Je regrette vivement, dit-il, que le brave tirailleur, qui a si généreusement sauvé la petite Oudja, ne soit plus parmi nous. Il lui aurait servi de père le jour de notre mariage. « Votre mariage ? Avec elle ? Oui, il aura lieu dans 15 jours environ. « Avec elle ? Avec une arabe ? » répéta Poil de Brique. À peu près aussi surpris que si Max lui annonçait qu'il allait épouser la girafe du jardin des plantes. « Que voyez-vous là de si étonnant ? Je l'aime, et j'ai de nombreuses raisons de croire qu'elle est aussi dévouée qu'une femme peut l'être. Dans ce cas, vous pouvez vous vanter d'avoir eu une forte chance. Une arabe dévouée ? C'est du neuf. Là-bas, ça obéit comme des machines. Quand t'as aimé quelqu'un, ma cache. Ben, j'ai pourtant entendu raconter qu'elles étaient au moins aussi fidèles que nos Françaises, et que les maris ne leur toléraient pas la plus légère faute. Donc, ils n'empêchent pas leurs femmes de courir après le premier Français qu'elles aperçoivent. C'est au point qu'il les faut garder dans leur tente, où elles couchent, savez-vous par qui ? Par des chiens énormes, qui sont dressés à mordre à belles dents, celles qui voudraient sortir, et ceux qui voudraient entrer. Sans quoi je vous réponds qu'on en verrait de drôle. « Ah, vraiment ? » fit Max, préoccupé. « Tenez, continua le capitaine Follard, en s'arrêtant pour relever le bas de son pantalon, et en mettant la cicatrice d'une morsure profonde qui lui déformait le mollet. Voilà comment, du temps que j'étais sergent, j'ai été arrangé par le gardien d'une jolie mouquère en sortant de dessous la toile où elle m'avait donné rendez-vous. Dans ce pays-là, les chiens sont fidèles pour les femmes, qui ne le sont pas. Cette aventure-là aurait pu vous arriver dans tous les pays du monde. Oui, mais ce qui arrive seulement en Afrique, c'est que la belle, craignant mes indiscrétions, a conseillé à son mari de me loger une balle dans la tête sous prétexte que mes assiduités lui étaient insupportables. Et il n'y a rien de plus traître que ces créatures-là. Max pétrissait dans ses doigts la boucle d'oreille de Geneviève. Les récits de Poil de Brique, auprès de qui il avait espéré un instant trouver appui et consolation, lui révolutionnaient le système nerveux. « Faites ce qui vous plaira, » ajouta le capitaine Follard. « Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous tenir sur vos gardes. Moi, à votre place, je me tiendrai sur mes gardes. » « Je vous remercie de l'intérêt que vous me témoignez, » dit Max. « Je verrai à mettre vos indications à profit. À bientôt, capitaine. » « Et votre plan de l'Afrique française ?» répondit Poil de Brique en lui tendant un rouleau de carton. « Vous allez oublier le plus important. » Max se saisit du rouleau, serra la main du chef de bureau arabe et prit en toute hâte le chemin de la rue Saint-Martin. On a déjà compris ce qui s'était passé. En sortant du cabinet 4, le docteur Ouzelot s'était fait conduire rue des Vinaigriers, où il avait dû faire lever Mathieu Sem, qui se couchait à 9h après l'apurement de ses comptes. « J'ai besoin d'Elvire pour une matinée, » avait dit le docteur. « Pouvez-vous me la prêter ?»« Et il s'agit de notre affaire. »« Prenez-la, » avait répondu l'entrepreneur. « Et tant qu'elle nous sera utile, servez-vous-en, comme si elle était à vous. Vous pouvez lui faire faire 10 lieues par jour, la rouer de coups ou la tuer de fatigue. » Elle ne bronchera pas. Elvire, convenablement serinée, était allée s'informer au numéro 73 si Madame Alibert, la parfumeuse, n'avait pas manifesté l'intention de changer de cuisinière. La concierge l'avait renvoyée à Mademoiselle Coralie, la femme de chambre, et une fois, en présence, les deux domestiques n'avaient pas tardé à s'entendre. Mademoiselle Coralie aimait un soldat du train à qui il restait encore à faire 2 années de service. Toutefois, il se chargeait de trouver à s'acheter, moyennant 500 francs, un homme qui trimballerait des munitions à sa place. Que ne tenterait pas une femme de chambre amoureuse d'un soldat du train pour pouvoir l'épouser avant la fin de son temps ? Elvire avait envoyé Coralie rue d'Antin, où Esther demeurait actuellement, en lui recommandant de se conformer servilement aux ordres qu'elle recevrait de cette dame. Esther avait pris un billet de 500 francs dans le tiroir de son armoire à glace, l'avait montré tout déplié à la femme de chambre, l'avait replacé au fond du tiroir, qu'elle avait fermé à clé, puis, après l'avoir fait asseoir en face d'elle sur une chauffeuse, lui avait dit « Maintenant, causons ». Le premier point était de pouvoir montrer un bijou quelconque ayant appartenu à Geneviève. La femme de chambre rentrée chez elle avait attendu que la malade fût endormie pour entrer dans sa chambre, sur la pointe du pied, et y subtiliser une de ses boucles d'oreilles, détachée par une des voisines qui avait aidé à placer Geneviève dans son lit et jetée sur le coin de la cheminée. Lorsqu'elle reparut chez Esther, chargée de cette dépouille, elle eut à répéter la scène telle qu'elle devait la jouer chez Maximilien. Il est possible qu'il s'exaspère au point de vouloir vous battre, lui avait dit Esther. Dès que vous le verrez lever le bras, tombez à genoux sur le parquet en joignant les mains. Il est rare qu'un homme frappe une femme dans cette position. Toutes les questions avaient été prévues et toutes les réponses préparées. Esther avait surtout recommandé à Coralie de prendre un air profondément étonné lorsqu'elle apprendrait du jeune homme qui n'avait jamais été de connivence avec Geneviève pour tromper le docteur, son père. S'il veut vous obliger à prendre les 20 francs que la dame vous aura soi-disant promis en échange de votre discrétion, refusez-les obstinément, avait-elle insisté en ajoutant « Il faut tout supposer. Au cas où le jeune homme, après une explication avec sa Geneviève, exigerait une confrontation et vous forcerait à paraître devant elle, êtes-vous absolument résolu à soutenir vos inventions, mordicus, sans vous couper et sans vous laisser attendrir ?» L'idée d'épouser Fulgence, au mois de janvier prochain, me donnera des forces surhumaines, avait répliqué la domestique. Les forces surhumaines que l'idée d'épouser le nommé Fulgence donnait à mademoiselle Coralie avaient produit leur effet, puisque Max courait comme un égaré chez Geneviève, à qui il brûlait de tout raconter, afin qu'elle aussi lui racontât tout. « Ce poil de brie, quelle brute !» murmurait-il en hâtant le pas. « Qui diable priait de me corner aux oreilles toutes les perfidies des compatriotes de mon Oudja, comme s'il n'y avait pas femme et femme ?» Il est possible que cette domestique ait réellement ramassé ce morceau de corail dans le salon de sa maîtresse. Quant au racontard forgé à plaisir dont elle m'a régalé, je suis sûr que Geneviève va d'un mot le mettre à néant. Mais tout en se fendant comme un compas, pour arriver plus vite à l'explication, devenue nécessaire, il sera répété malgré lui. C'est pourtant ce que Paul de Brigue m'affirmait de la perversité des Arabes était vrai. Le soupçon a ceci de dangereux, qu'en amour, il est, à lui seul, un commencement de preuve. La veille, en quittant Geneviève, il aurait mis sans sourciller ses deux mains au feu que jamais le reflet d'un mensonge n'avait effleuré le carmin de ses lèvres. Le lendemain, après la tourmente qu'il venait d'essuyer à son sujet, il aurait encore mis une main au feu, mais il n'en aurait mis qu'une, et il aurait peut-être choisi la gauche. Avec la ferme volonté d'être calme et d'être confiant, il ne put se défendre, à son entrée dans la chambre de sa maîtresse, de chercher, comme dans la lettre volée d'Edgar Poe, à construire un acte d'accusation d'après les indices les plus insignifiants. Mais il retrouva sa Geneviève couchée, souriante et tendre comme la veille. « Comment vas-tu aujourd'hui ?» lui demanda-t-il en lui donnant un baiser un peu guindé. « Admirablement, » répondit Geneviève. « Mon pied désenfle à vue d'œil. Si le médecin consentait à me laisser enlever toutes les bandes de toile qui engênent les mouvements, je ferais une lieue à ton bras, sans fatigue aucune. « Veux-tu me permettre de me lever ?» dit. « Pas maintenant, ce soir, après ton dîner. Tu essaieras de faire un tour dans la chambre, mais pas maintenant. Les foulures exigent des précautions spéciales. » En la voyant signer, si enjouée, si gamine, Max rougit comme un faux témoin pris en flagrant délit de calomnie. La pensée lui vint que cette boucle d'oreille qui lui avait été remise par la femme de chambre de la parfumeuse ressemblait à celle de Geneviève, mais appartenait à une autre. « Si je trouve sur le coin de sa cheminée ces deux boutons de corail dans le petit vide-poche où elle les pose ordinairement pour la nuit, je me jette à ses pieds en lui racontant tous les ragots ridicules qui m'ont été débités contre elle. Je lui avouerai même que j'y ai cru un moment. je la connais. Plus je serai coupable, plus elle me pardonnera. » Il avait adopté cette solution avec enthousiasme. « Je donnerais 10 ans de ma vie pour que les 2 boutons fussent dans le vide-poche, » pensait-il, en s'avançant vers la cheminée, avec une lenteur pleine d'hésitation. Il se décida enfin à regarder dans la petite coupe en porcelaine de Chine, coquille d'œuf, où Geneviève, avant de se mettre au lit, avait l'habitude de déposer son unique bague et ses uniques boucles d'oreilles. Un seul bouton de corail s'y morfondait, et il était évidemment le frère jumeau de celui que Max serrait convulsivement dans sa main. Cette découverte lui alla au cœur comme s'il n'eût pas dû s'y attendre. « Je ne peux pourtant pas l'interroger comme une criminelle, » se dit-il. « Si je me trompe et qu'elle ne puisse pas me prouver sur le champ que je me trompe, elle mourra de chagrin en songeant que je la prends pour la dernière des effrontées. » C'est hypothèse inadmissible. Elle m'avait en effet trompé sur les détails et le fond de son suicide. Elle saura bien soutenir son mensonge jusqu'au bout, surtout si les femmes de sa race sont aussi profondément endurcies dans le mal que le prétend Poil de Brique. Il n'y a donc rien à faire, si ce n'est à attendre un événement qui éclaire la question par un côté ou par l'autre. Ce dont il ne s'apercevait pas, c'est que Geneviève, qui, lui, présent, suivait des yeux ses moindres jeux de physionomie, le regardait ruminer, s'agiter, changer de place et changer de fauteuil depuis un quart d'heure, et se demandait à quelle préoccupation elle devait attribuer cet état d'inquiétude générale. Il était absorbé dans le dialogue qu'il tenait avec lui-même, au point que ses lèvres remuaient, car c'est le propre des gens tourmentés de vouloir mettre l'air extérieur et les objets inanimés dans la confidence de ceux qu'ils éprouvent. Ne pouvant parler tout haut à Geneviève, et parler tout bas au canapé et à la pendule. « Je vais attendre, se disait-il, que la femme de chambre soit rentrée chez sa parfumeuse. Je la forcerai alors à monter ici et à recommencer ses histoires devant Geneviève. Nous verrons alors ce qu'il en restera. » « Allons donc, ajoutait-il immédiatement, mettre cette fille en présence de ma femme, recevoir et discuter devant elle la déposition d'une étrangère. » Ce serait jeter dans notre ménage un élément de défiance et de suspicion qui le troublerait à jamais. Pourtant, il faut, à tout prix, que j'enlève ce poids de 100 livres qui me pèse sur l'estomac. Il tournait en marmottant dans la chambre sans arriver à se poser. Il alla de nouveau à la cheminée, prit la boucle d'oreille dans le vide-poche et la compara à celle qu'il avait replacée dans son gousset. Les deux faisaient parfaitement la paire. « Mais qu'as-tu donc ? Et que fais-tu donc ?» lui demanda enfin Geneviève. « Rien, rien. Je remettais dans la petite coupe un de tes boutons de corail. Une bonne de la maison me l'a rapporté tout à l'heure. Et il paraît que tu l'as perdu le soir du grand événement. Lorsqu'on t'a porté ici, est-ce que tu avais les 2 boucles d'oreilles ? Je n'en sais rien. Comment veux-tu que je me rappelle ça ? Alors il est possible que tu l'aies laissé tomber, quelque part. » « Oui, c'est possible, » répondit Geneviève, beaucoup plus attentive à l'air embarrassé de Max que tracassé des pérégrinations de sa boucle d'oreille. Le jeune homme crut deviner, dans l'effacement donné par Geneviève, à ce « c'est possible », un désir préconçu d'écarter ce sujet. Les amoureux sont de première force pour s'emballer sur des réponses privées de sens. Il est vrai que devant des faits qui leur crèvent les yeux, il garde une sécurité complète. Max sentit rouler entre les parois de son crâne tout un monde d'idées sombres, confuses et contradictoires. Il n'admettait pas que Geneviève traitât avec cette légèreté la rentrée en possession de ce bouton de corail, cause pour lui d'un bouleversement moral sans précédent. Car, en résumé, la question était posée ainsi. Où la femme de chambre avait inventé un récit fantastique, et il fallait reconnaître que cette fille du peuple avait mis dans ses déclarations une précision et un ensemble extraordinaires. Où elle avait réellement trouvé, comme elle le soutenait, le bijou dans le salon de sa maîtresse. Et Geneviève lui avait en effet offert une pièce d'or pour l'engager à prêter la fenêtre du premier et à se taire. Alors ce n'était plus le doute. C'était un océan de perplexité affreuse dans lequel Max se sentait prêt de sombrer. Toutes ces transitions du froid au chaud, de la confiance à la terreur, se reflétaient si visiblement sur sa figure et dans son attitude que Geneviève ne put s'y tromper longtemps. « Max, fit-elle, tu m'en veux. Il s'est passé quelque chose depuis hier. D'abord, tu m'avais promis d'être ici aujourd'hui au plus tard à 3 heures. J'ai entendu sonner 5h30 et tu n'étais pas encore arrivé. Il est maintenant 6h15. Si tu dois rester avec moi, pourquoi ne demandes-tu pas à la voisine qu'elle t'apporte le dîner? Si tu dois dîner chez ton père, pourquoi restes-tu à te promener dans la chambre sans me rien dire, tandis qu'il est temps de partir pour aller te mettre à table? Il y a quelque chose. J'en suis bien sûr, va. Mais non, rien du tout, des machines, ça n'a aucune importance, dit Max, désorienté et se sentant de moins en moins prêt pour la lutte. En effet, il est l'heure de rentrer, mon père doit m'attendre. Adieu. Geneviève, tu sais, je dîne et je reviens. Max disparut sur ces mots, inarticulé comme des hoquets. Il n'avait pas eu le courage de parler. Il ne se sentait pas assez de sang-froid pour se taire. La fuite avait été inventée pour échapper à ces sortes de dilemmes. Geneviève, atterrée, n'essaya pas de le retenir. Il avait cette figure-là, le jour où il m'a quitté, se dit-elle. Comme complément de torture, Geneviève fit cette remarque que Max, dans les 3 derniers jours, n'avait guère passé en tout plus de 7 heures avec elle, tandis qu'il lui consacrait ordinairement 4 heures par jour, au minimum, depuis qu'elle était revenue à la vie. La vérité est que Max, rassuré sur le compte de sa malade, se reposait un peu des fatigues de la première semaine et avait employé la majeure partie du temps passé, hors de son lit, a essayé de constituer à Geneviève un conseil de famille nécessaire pour autoriser la publication des bans. Mais Geneviève, ignorante de ces formalités, se bornait à compter les heures de présence de Max à son chevet et la coïncidence de ses absences récentes avec son agitation actuelle la couvrit d'un voile funèbre. S'il allait ne plus revenir, fut sa première pensée, laquelle se trouva presque aussitôt démentie par la rentrée de Max. « Décidément, lui dit-il, je n'y tiens plus. Il faut absolument que nous nous expliquions. »« Ah !» s'écria-t-elle, « tu vois bien qu'il y a quelque chose. »« Il y a quelque chose, en effet. Lève-toi, habille-toi, je vais faire avancer une voiture et tu t'appuieras sur moi pour descendre jusqu'en bas. Au besoin, je te porterai. »« Ah, mon Dieu, où allons-nous ? » ?»« Chez mon père. » Lui seul peut te parler en toute liberté. Moi, je ne me sens ni le droit, ni la force de te rien demander ou de te rien dire. Allons, viens, Geneviève. La jeune blessée sauta de son lit et posa par terre son pied foulé. Elle avait une telle hâte, non pas de se savoir Madame Ouzelot, mais de partir au bras de Max, qu'elle s'était supposée à peu près guérie. Elle s'était annoncée une heure auparavant, comme en état de faire une lieue sans fatigue, et, à peine debout, elle s'aperçut qu'il lui serait impossible non seulement de marcher, mais de se soutenir. Elle essaya d'avancer d'un pas, les tendons déchirés se replièrent sous le poids de son corps, et elle glissa entre les bras de Max, qui la porta, presque évanouie, sur le canapé. « Je me croyais bien plus forte, » murmura-t-elle, quand elle eut repris connaissance. « Voilà qui est particulier, » pensa Max. « Tout à l'heure, elle ne demandait qu'à faire à pied une promenade avec moi, et quand je lui propose d'aller en voiture chez mon père, elle se trouve mal. « Oh, que je suis malheureuse, » reprit-elle. « J'en ai au moins pour 15 jours, avant de pouvoir seulement descendre les escaliers. « Est-ce que ton père a besoin de nous voir tout de suite ?»« Aujourd'hui même. Ce qu'il a à me communiquer est donc bien grave. Il faut que ce soit grave, puisque je n'ose pas m'en charger. » Mais il y a moyen de nous dispenser d'aller chez lui. C'est de l'amener chez toi. Je vais te replacer tout doucement dans ton lit. Je monte seul dans la voiture, que j'espérais partager avec toi, et dans 3 quarts d'heure, 1 heure en plus, je suis ici avec mon père. Attends-nous. Si les paroles de Max n'étaient pas absolument ironiques, elles étaient au moins fort amères, et le ton sarcastique dont il ne put s'empêcher de les accompagner glaça Geneviève jusqu'au fond de l'âme. Lui si bon, hier encore, que lui ai-je fait ? Se demandait-elle en se laissant emporter par Max du canapé sur le lit, où il la déposa avec des précautions trop exagérées pour être tout à fait sincère. « Alors, à bientôt, Geneviève, dit-il. Nous serons ici dans une heure. Entends-tu bien ? Profite de ce temps-là pour te faire servir à dîner. Tu as besoin de prendre des forces, ma chérie. » Et il sortit sans l'embrasser. Fin.